musique en marge. C'est fou, 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Hockey. Olivier Lessard sera là pour sa chronique musicale par excellence, le courant passe. Et c'est un fait. Assemblage Hockey tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Hockey en ce lundi 20 avril 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut, Steph. Bon matin. Hey, hey, hey, hey. Aujourd'hui, l'émission commence sans Internet. On va se le dire tout de suite. Ah oh oui, on se cachera pas les affaires. On se cachera rien. On est transparent ici. C'est comme ça. On est un livre ouvert, en fait. On est dans une université. On n'a pas besoin d'être un livre ouvert. Hein? Hein? C'est vrai. Pour étudier, ça va mieux. C'est vrai. Donc, aujourd'hui, l'émission, on va devoir patcher quelques trous. Mais quand même, on va s'en sortir parce qu'on va avoir des invités assez particuliers. À 8h, on a les entrevues pour les élections de l'AGEQTR, deuxième ronde. Il y a un deuxième processus électoral pour, entre autres, le poste de président. Donc, on va les recevoir en entrevue. Deux personnes s'affrontent au sommet. Qui sera roi de la montagne? On ne sait pas, donc ça va être à 8h. Le reste de l'émission, je pense qu'à partir de 8h30, on va faire du « C'est un fait ». Ouais. C'est pas mal ça. C'est simple parce que c'est de même, c'est de même. En tout cas, on va essayer. Hein? On va essayer. Souvent que l'Internet va revenir d'ici le temps. 15 minutes, 15 heures, 15 jours, on sait jamais. On va voir. Mais on débute avec celui qui a fait un petit rire tantôt. C'est pas du rire en canne qu'on s'est engagé. On s'est pas payé une machine à bruit. C'est Olivier Lessard. Un invité de marque. Hey, hey! Bon matin. Quoi? Tu t'appelles Marc-Olivier, que... peut-être? Mais tu t'appelles juste Olivier. Ben là, c'est parce que tu parlais des entrevues tantôt comme des entrevues de marque ou je sais pas trop. Puis là, je me suis dit... Ben moi tout, crime. Hey boy. La grosse hey boy. Hey, ben, hey, tu... Fait qu'on a pas l'Internet, pis on a pas de bande passante dans son cerveau non plus. Non. Et ça introduit bien ma chronique, en fait, Mathieu. Ah oui? Tu me vois, là, j'ai les yeux pochés, ben raides. J'ai dit des trucs qui font pas nécessairement de sens. C'est parce que c'est la fin de session. Oh! Hey oh! Hey oh! Hey oh! Et qu'est-ce qu'on fait en fin de session? Ben, on boit de l'alcool. Ben avant, pendant, après, mais de temps en temps, on étudie aussi. Et pour étudier, on a besoin de bonne musique. Ouais. C'est pourquoi je vous fais un top 5 2. Deuxième round. Dans le courant pas. Fait que tu peux parler. Excuse-moi. Le courant pas. Et que tu l'as pour la fin. Une chance, je suis bénévole. Olivier Lessard et le courant passe. Bonjour à toi. Bonjour, bonjour à vous deux. Ça va très bien. Même si lundi, ça va très bien. Lundi, on arrive toujours, puis c'est toi qui pogne tous les problèmes. T'sais. C'est toujours avec toi qu'on a le local barré, l'internet qui marche pas. Tu sais, c'est tout le temps toi, ça tombe tout le temps sur toi. C'est pas grave, j'ai une bonne attitude dans ces moments-là. Et là, déjà, là, Mathieu, là, je vais introduire ma chronique, puis faut que je te dise, je t'ai menti. Bon, ça commence mal. Ouais. On commence tout en ça avec un petit mensonge le lundi. C'est que je ne ferai pas un top 5. Vous vous souvenez, en fait, la dernière fois, j'avais fait un top 5 musique études, là, pour ceux qui s'en souviendraient pas. C'est vrai, ça. Parce qu'à ce moment-là, c'était la mi-session, je crois, ou une autre fin de session. Et je me suis dit, il me semble que moi, être un auditeur, j'aimerais ça. Fait que aimer ça, auditeur. Mais là, l'histoire, là, c'est que ça va être un top 4. Ah, wow! Ouais. Même pas de bonus à rien pour faire arrondir un peu. Ben, peut-être un rappel, mais... Prendre une pièce la dernière fois que tu l'as faite. C'est pas toi qui disais qu'il n'aimait pas les chiffrons dans les tops. C'est vrai, je trouve ça trop facile. C'est vrai, c'est ben, trop exactement. Facile. Tant qu'à remplir avec un cinquième qui n'est pas vraiment vrai parce que tu veux absolument que ce soit un chiffron. T'as bien raison, fais un top 4. Ouais. Bien raison. toute façon, on est une radio hors norme. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ça que ça fait, des radios hors normes. On n'aime pas les normands, non plus. Ça drop des tunes dans les top 5. C'est ça. Et veux-tu que je te... Ben, j'aime bien Normal Amour. Je sais pas, ça fait vieux un peu. Ouais, je sais pas. Pas il va aller déjà là, au. L'acteur là, dans Trauma, genre, je sais pas quoi. Là. Hein? Dans quoi qu'il joue? Non, il disait 51, 58 des hommes. Comment de côté qu'il disait? L'adresse là, sur la rue des hommes. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Il disait le méchant. Oh! Ouais. Oh. C'est un gars, c'est un méchant, lui. Ah. Evil. Tu trouves? Ouais. Mais ben. Oui, je commençais. J'étais plus sûr si je voulais continuer là-dedans ou revenir à toi, mais bon. Donc là, on va commencer par le top 4. Oui. Le donc, top 4. Tu commences par le début ou par la fin? Je commence par la fin pour qu'on finisse avec le top 1. Tu commences par le milieu, genre. On serait incroyablement en norme. mais non, je ferais pas ça parce que là, je suis pas si wild que ça. Donc, numéro 5, c'est un... fait que ça fait 5, 4, 3, 2, il y a pas numéro 1. C'est le fun, ça c'est cool. Ce sera ça, le numéro 1. On est trop hipster, nous autres, le numéro 1 c'est pour les autres. Ouais. Ouais. C'est carré. On est très numéro 2, nous autres. Numéro 1, c'est énergie. Caca! Non, t'as tout fait la blague. Excuse-moi. En disant que le numéro 1, c'est énergie. Tiens alors. Je vais pas dire ça. C'est sorti tout seul. Non, c'est eux autres qui disent ça. Ouais, exact. Ils sont tous numéro dans quelque chose. Ouais. Hey, je vais la commencer, cette chronique-là. Donc, le numéro 5, c'est un groupe qui s'appelle Bad Bad Not Good. Bad Bad Not Good. Bad Bad Not Good. C'est tout écrit en lettres majuscules. Sachez-le. Et pas d'espace. Pas d'espace. C'est comme ça quand on est un band hipster. On se fait crier dans la face, hein? Ouais. Bad Bad Not Good! C'est donc un trio de Toronto qui, sur papier, là, c'est un trio jazz. À la base, c'est un trio jazz. Ouais. Mais en réalité, c'est plus ou moins ça. Moi, je vais vous parler d'une chanson, en fait, d'un album qui est sorti en 2014 qui s'appelle 3. C'est le troisième. Mm-hmm. Il me semble qu'il y a plusieurs artistes quand même. C'est déjà arrivé, je pense. Et eux autres, là, Bad Bad Not Good, ils font du jazz, mais ils font aussi des beats de hip-hop en même temps. Puis là, de temps en temps, ça devient un peu électronique. Il y a eu un beau melting pot de tout ça. Et ça a commencé justement dans leur début. Ils faisaient des covers de Tribe Called Quest, de Waka Waka Flame. Ils faisaient du rap. Et ils ont fait des covers, entre autres, de Odd Future, qui est le projet de Tyler, the Creator. Oui. Et ben ce gars-là, il les a remarqués, donc il les a aidés ensuite, ce bon Tyler. Et ils ont travaillé ensemble, et tout dernièrement, ils ont fait un album avec Ghostface Killah, qui est un grand rappeur aussi. Et bref, c'est dur à expliquer, mais vous allez l'entendre, vous allez comprendre, vous allez aimer ça. Et ça s'écoute bien en faisant des devoirs parce que c'est assez répétitif. Là, ça donne un peu le goût de te battre à Brooklyn. Wow! c'est ça. Ce que tu recherches quand t'étudies, bien sûr. Ben, exactement. Oui. Ouais. Ben, c'est parce que t'étudies pas en loisir parce que nous autres, non, c'est ça qu'on fait. Pas sûr de vouloir y aller non plus. et c'est ça, c'est tout le temps instrumental, mais c'est top. Bon. Fait qu'on écoute du Bad Bad Not Good avec Triangle. Bad Not Good. Avouez que ça vous donne le goût d'avoir deux cymbales en permanence à côté de vous, puis faire toutes les punches en même temps. Tu sais, tu tapes, puis là, il arrive un punch, fait que c'est tan. Sur ton clavier. C'est ça. Ben, c'est là que t'aimerais avoir une dactylo pour pouvoir faire le retour à la ligne. Chling, clang, ta-ta-ta. Ça serait cool. Ouais. Chling, clang. Point enter, c'est pour la fin de tes phrases. C'est ça. Donc, le deuxième groupe, vous allez peut-être faire un saut, autant vous en studio que vous à la maison. Vous savez, dans ma dernière chronique, j'ai mis une toune de métal parce que j'écoute beaucoup de métal en étudiant. Mmh. Et moi, je suis convaincu profondément qu'il y a des gens qui font pareil, qui aiment ça avoir du gros beat dans les oreilles. Je connais personne qui s'endort en écoutant du métal. Fait que tu sais, il y a des gens de tous les genres. T'sais. Ben c'est ça. Ouais. Mais nécessairement, des fois, tu veux pas t'endormir quand tu dis. Parce que tu dis en dormant, il y en a là, des tripeux New Age qui vont dire que c'est bon, mais c'est pas tant pratique. Donc, c'est un band qui s'appelle Def Heaven, qui ont sorti l'album Sunbather en 2013. C'est un groupe de San Francisco qui, à la base, fait du black metal. Mais encore là, on part d'un style de base là, qui s'est écrit à côté de leur nom sur Bandcamp. Là. Et finalement, on écoute ça, puis c'est plus ou moins ça. Parce qu'il y a encore un gros melting pot de style. Il y a clairement du post-rock, du shoegaze. Il y a beaucoup de blast beat là, mais c'est fait avec tellement d'effets dans Git que ça fait juste un gros bruit. Un morceau, un pain. Un gros morceau, c'est du pain, c'est du solide. C'est du pain. Du pain. Ben, le pain là, que t'achètes là, avec avoine entier puis tout, là, oui, que tu manges, puis crème, t'as une toast de fête, puis t'en veux plus, tu sais. Du pain-pain ou du pompon, tu sais. C'est ouais, quel qui est un petit peu plus costaud, là. C'est pompon. C'est pompon, mais ça marche pas. Ça a été du pain-pain, ça a été le monsieur un petit peu plus costaud, tu sais. Ouais. C'est du pain-pain, c'est du pompon, c'est bizarre. Fait que ça, là, t'écoutes un album, là, pis là, t'es correct, là, pour un bout, là, parce que t'en as eu ta claque. Mais reste que, écoute, pendant cet album-là, c'est incroyable. C'est vraiment très bon. Ça a été un album qui a été beaucoup acclamé par la critique et très détesté par les vrais fans de metal. Ah. Parce que les vrais fans de black metal, particulièrement, ils aiment ça quand il y a du maquillage puis quand il y a des épées dans le bois. Ouais. Et eux sont plus ou moins comme ça. Ils se font traiter un peu de hipsters là, par certains vrais fans. Mais je vais en profiter pendant que la chanson vient de finir. Ça s'appelle Dream House. Ouais, Def Heaven tout de suite à Assemblage Requis. Bonne chance. Ça sonne tellement comme un mur, comme t'as dit, que j'ai l'impression que c'est chez les voisins que ça joue pis c'est live dans nos oreilles, t'sais. Hey, bon matin, gang! Aïe, aïe! Et réveillez-vous! Allô? Faut aller étudier. C'est spécial, ça, hein? Ben, Def Heaven, de quoi rentre sourd, hein, comme dans le titre du nom du band. Exactement. Ouais. Ça serait parfait que... Pardon, ça serait parfait que quelqu'un qui se lève à 7h45, sur ses fous, travailler avec ça, là. Bah. Impeccable. C'est tout le temps ça, je me dis. Ça te met debout. Moi, j'espère la repogner en rediffusion dans les prochains jours. Probablement. Mais là, tu peux quand même l'arrêter. Aller, tu pourrais mettre la petite chanson country là, de ça, fond. Je vais même pas faire un fondu, ça mérite pas ça. Je vais juste l'arrêter de même. T'sais. Oh, play. Yeah. Ça va aller mieux. T'sais. Ah, fais attention. Voilà. Magnifique. Mais là, j'essaierai pas de vous convaincre. Là, t'sais, je comprends non, c'est raté d'avance. Ça... Non, j'ai bien apprécié. Ouais, OK. Bon, c'est bon. J'ai écouté beaucoup de métal dans ma vie. Ah, okay. Fait que. Tu sais. Ouais. Pas comme Mathieu. Non. Pas, Moi, j'écoutais beaucoup de papier d'aluminium. C'était tout ce que j'étais capable de supporter. Ouais, mais c'en est du métal, ça. Ouais, je sais, mais du métal plus mou. Ouais. C'est vrai, c'est un peu plus. Faire attention. C'est très. Les pepper cuts de papier d'aluminium. Ah, ouais, pour moi. Ah, c'est salaud. Hey, ça doit être saignant, ça. Ah, c'est salaud. Ah, ouais. Ça a l'air bien smart, de même. Là. Mais ta blessure est parfaitement fraîche pendant plusieurs jours. On dirait que c'était presque forcé, un moment donné. Ah, mais ça arrive souvent, des rires forcés sur un gag de Mathieu. Ça donne envie de faire les pets. Donc, toujours dans le palmarès de la musique. Toujours là. Toujours à l'affût. De musique pour étudier, mettons. Oui. Le numéro 3, c'est un petit peu plus relax. Ça s'appelle Kid Loco. C'est un album qui s'appelle Grand Love Team, sorti en 97, ça fait longtemps, et c'est devenu un grand album d'électro. Ce serait probablement là, dans un top 10 de musique électro là, des 20 dernières années. Là. C'est vraiment cool. Tellement grand qu'ils l'ont sorti en vinyle 200 pouces. C'est un très gros vinyle! Kid Loco, il s'appelle pas comme ça pour vrai. Ah, il s'appelle Jean-Yves Prieur. Prie quoi? Prieur. Je peux comprendre. Ouais. Ouais. Oui, effectivement. C'est un producteur français, vous l'aurez deviné. Et lui, depuis un bout de temps, il joue un petit peu moins de musique, mais il a son propre label qui s'appelle Bondage Records, qui, wow. Là, en faisant mes recherches, parce que mine de rien, ça arrive que je fais des recherches. Oui. Okay. Je me suis rendu compte que Bondage Records, ils ont Berrurier Noir, le fameux groupe de punk français. Et là, je comprends pas le lien. Je sais pas. Ils sont variés, tu sais. Ouais. C'est du trip-hop. C'est très ambiant. Il y a quand même 13 albums à son actif. Et ça s'écoute super bien. C'est assez sensuel. Ça ressemble un peu, là, c'est... L'autre fois, je vous avais présenté Bonobo. C'est un peu dans le même esprit que je vais écouter Kid Loco. Donc, on va vous faire entendre une chanson qui s'appelle... A Grand Love Theme. Exactement. Sur le 89 FM. C'est fou. Kid Loco et A Grand Love Theme. Donc on en passe avec Olivier Dessart. C'est le palmarès aujourd'hui de la musique pour étudier, partie 2. Partie 2 parce que c'est la deuxième fin de session. Incroyable. Est-ce qu'il y a de le fun, c'est que t'as commencé par le numéro 5, t'as fait le 4, t'as fait le 3. Donc là, il nous reste seulement le 2 parce que t'as dit que c'était un top 4. Ben là, on a le choix. Là, on pourrait faire voter les personnes en ligne. Là. OK, oui. Sur la hotline. Ouais. Sur la hotline. soit que je vous présente le numéro 2, okay. Puis tu me réinviteras un jour pour présenter le numéro 1. Parfait. Soit qu'on fait comme si le numéro 2 n'avait jamais existé, on n'en reparle plus, puis je vous présente le numéro 1. Ah, okay. Moi, je pense qu'on passe au 1. Oui, ouais, c'est contre notre religion, le numéro 2. On n'aime pas ça, nous autres, les kékés. Eh oui, mais ça, le numéro 2, vous autres? Ah, c'était bon, le numéro 2. Ouais, c'était popé, le numéro 2. Hein? C'était impressionnant. J'essaie de faire des jeux de mots de caca encore. Ouais, hein? Hey, mais il n'y avait même pas de contexte de caca. Il n'y en a pas vraiment. C'est bon. Donc, numéro 1 à place. C'est fou, hein, l'inconscient des gens. On peut en apprendre beaucoup sur les gens comme ça. C'est ça. Ouais. Ouais. Voudrais-tu que je laisse planer le malaise encore juste un petit peu, là? Ouais, je peux m'arrêter comme un peu, genre la musique. Puis... Laissons planer le malaise. Ouais. Une minute de silence à la joke de caca. J'aime ça, Steph, ce que t'as fait, là. Donc, le numéro 1 de la musique pour étudier. Là, ce qui est cool, c'est qu'on vu qu'on a laissé passer un moment, on s'en souvient même plus du numéro 2. C'était ça, le numéro 2, le numéro 1, le numéro 2, c'était de pas mettre de musique. Exact. C'est ça. C'était bon. On est du concept. Mais oui, parce que ça m'arrive aussi, ça arrive à tout le monde d'étudier avec le silence. Ben oui. Comme des moines bouddhistes. Oh, wow. Eh, bye-bye. Hey, hein, ça va l'eau. Le numéro 1, ça s'appelle Martin Lizotte, qui est un pianiste qui a sorti l'album Pianolitude. Pianiste, compositeur... Je trouve ça donc bien prétentieux comme nom, moi. Pianolitude ou pianiste? Okay. Pénis. Lisotte. Ouais, Lisotte, hey, moi, ça m'en revient pas. Ah, les Martins, là, je les trouve assez prétentieux. Tu sais, c'est comme directement dans son nom, il dit qu'il est hot. C'est Martin Lisotte. Hot, man, yo, bro. You know? Lune n'entend pas l'autre. Lune n'entend pas l'autre. Lune n'entend pas l'autre, c'est parfait, ça. Effectivement, je me bouche les oreilles pour pas l'entendre. Mais continue ton idée, pourquoi c'est... Pourquoi c'est prétentieux? Je trouve que le nom fait très prétentieux. Pianolitude. Ouais. Ben là, trouve des arguments, cibole. Ben c'est un feeling. Ouais. Ok, c'est bon. C'est comme quelqu'un qui te demande c'est qui le tricheur ou tricheur. C'est un feeling. Feeling. Ouais, ça c'est le ramassis de préjugés. Ça n'a pas l'air. Martin Lisotte, donc, moi je le connais parce que je l'ai vu en première partie d'Arthur H. Cet été au FME. C'est le frère à préparation. Hein? Ah! Non, mais je. Ah, non, mais là! Ouais, j'avoue que c'était facile, mais je oui. Je suis dans les. Arthur H, qui est la première partie de préparation. C'est quand même drôle. C'est quand même drôle. Je l'accepte. OK. Merci, Mathieu. C'est quand même pas pire que. Non, mais. Non, mais correct aussi. Donc, Martin Lisotte, je recommence, est un proche collaborateur de plusieurs artistes. Il a collaboré notamment avec M. Jean Leloup, Martin Léon, Carquois, Yann Perrault, Marc-Pierre Arthur. Et là, j'ai dit Jean Leloup, je vais faire une petite parenthèse. Avez-vous vu Jean Leloup à la voix la semaine passée? Hey boy, tu parles pas à la bonne personne pour parler de la voix? Mon Dieu, c'est quoi les chances que je tombe là-dessus? OK, ben je vais vous conter quelque chose. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui l'ont entendu, c'est que Jean Leloup, à la voix, chantait « Take the money and go, Johnny, go! Ouais. » Et là, il y avait une demoiselle qui était dans la voix qui chantait ça aussi. Et Jean Leloup de se retourner et lui dire « C'est ce que je te conseille. Oh! Take the money and go. Oh. » Par Jean Pivotin. J'ai trouvé ça rough. C'est vraiment rough. C'est drôle. Il avait juste besoin du cash en allant là. Lui, je pense c'est pas son genre d'émission tellement. Ça, ben, je sais pas, mais le commentaire était incroyable. Moi, je trouve mais ça je me prononcerai pas là-dessus. Bon. Là, je dirais pas parce que... On l'encourage encore plus dorénavant. Mais maudit que c'était bon. Ouais. bref, Martin Lisotte, fermez la parenthèse. Il joue... Martin Lisotte, il joue du piano. il joue avec Mathieu Desi, qui est contrebassiste dans la vie, mais que quand tu le vois dans un programme ou sur son site internet, il est considéré comme collaborateur sonore. Ce qui fait qu'il y a tout le temps un clavier puis 4-5 instruments qu'on sait pas trop c'est quoi, mais il en joue à des moments clés de la chanson. Et ça vient vraiment remplir le piano qui, somme toute, est assez classique. Des fois, ça part sur des grosses bulles. Ça rappelle un peu... je trouve le musical de Patrick Watson par moment, cool. qui est très piano, mais qui fait des ambiances avec des sons subtils, mais élégants. Wow. Donc, la chanson, on va l'écouter. On va l'écouter. Ce n'est pas la version originale de l'album, comme on n'a pas Internet. c'est vrai, je m'en rappelais plus. Mais ça va sonner quand même assez bien. Et moi, je vais vous laisser là-dessus. Oui, on te remercie. Olivier Lessard, un peu comme Martin Lisotte est hot parce que ça dit dans son nom, ben toi, Olivier Lessard. Lessard du monde entre tes mains, comme on dit. Hein, comme on dit. Ou Lessard de mon studio. Mettons, mais un des deux, prends le premier. Merci beaucoup, auditeur, d'avoir été là pour moi en cette chronique. On te retrouve la semaine prochaine, lundi, 7h30. Bye bye. Oui, absolument. Merci, Olivier. J'y serai. Bye. Take the money and go, Johnny Go. pense qu'il est en train de faire cuire du bacon sur son piano, c'est-tu ça? Piano l'étude avec Martin Lizotte. C'est vraiment bizarre comme fin de pièce. Il a échappé quelque chose, je pense. Ouais. Tu penses que quoi? Je pense qu'il a commencé à nettoyer son piano. Ah, c'est sûrement ça. C'est le concierge qui arrive. Le petit jet d'eau, là. Au retour à Assemblage Requis, c'est les entrevues avec les élections de la GEQTR. En fait, les candidats qui nous restent pour la deuxième ronde, dont le poste de président tout à l'heure. Alors, restez avec nous jusqu'à 9h30. Food Rock. Vous êtes dans la zone 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, vous êtes toujours à Assemblage Requis. On se lundi 20 avril 2015. Et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Ah, en effet, je confirme. Je confirme tes propos, Stéphanie Paradis. Parfait. Tu sais que c'est la deuxième ronde des élections de la GEQTR en ce moment? Ben oui. Oui, une prise 2, une rediffusion, mais pas pareil. Et pour en parler, on reçoit Lisa de Marseille, bonjour. Bon matin. Ça va? Oui, toi? Oui, collègue du Zone Campus, vous la reconnaissez de par sa face, évidemment, à la caméra 3 de cette station de radio. Donc, Lisa, tu viens nous parler un petit peu du processus électoral, cette fois-ci encore, on t'avait déjà reçu la dernière fois. Et pour commencer, pourquoi une deuxième ronde? Parce qu'on se disait qu'on n'avait pas assez de la fin de session, fait qu'on s'est dit, pourquoi pas en faire une deuxième, tu sais? Et la vraie réponse, ça passe. Ben, en fait, c'est parce que là, il y a deux postes qui restaient vacants, puis on voulait pas que ça se vote en CA. Donc, on s'est dit que pour respecter la démocratie, ça pourrait être intéressant de faire une seconde élection. Exactement. Vous avez vu les affiches un petit peu partout dans les corridors, c'est les mêmes, mais différents. Ouais, hein, c'est ça. Donc, on commence dans les dates importantes à retenir avec aujourd'hui, en fait, en fin de journée, qu'est-ce qui se passe? Ouais, en fait, là, ça va être très rapide là, pour le second processus électoral. Ce soir, à 16h, il y a le débat des candidats. Ensuite, à 23h45, vous pouvez commencer à voter via le portail jusqu'à jeudi 23h45. Mm-hmm. Puis les résultats vont être disponibles vendredi à midi. T'avais raison, c'était très, très rapide. Oui, c'est ça. Comment rapide? Fait que, non, c'est pas vrai. On va t'en reparler à la fin de la chronique. Merci beaucoup, Lisa. Merci. On va recevoir nos candidats maintenant pour le premier poste qu'on a aujourd'hui. C'est le poste de VP sociopolitique. Et il y a trois personnes qui se présentent sur ce poste-là. Et on va commencer avec Alexandre Deschâtelet, qui se présente donc au poste de VP sociopolitique. Bonjour à toi. Bonjour, merci de me recevoir. Mais merci d'être avec nous. Donc, les questions sont les mêmes qu'à la première ronde. Et c'est les mêmes pour tout le monde. Donc, pas vraiment de triche là-dedans. Pour commencer, la question numéro 1. Pourquoi as-tu décidé de te présenter aux élections de l'AGE-UQTR? Bien, lorsque j'étais au cégep, je m'impliquais beaucoup durant mes époques du cégep. J'ai également fait partie de deux formations politiques par le passé, donc je me suis dit qu'au mieux de mes compétences, je pouvais aider l'université à travers le poste de vice-président aux affaires sociopolitiques. D'accord. Ensuite, quelles sont tes expériences antérieures? T'en as parlé un petit peu, mais au niveau de l'implication étudiante ou toutes autres implications pertinentes? Bon, à chaque fois qu'on a une AGE, je me présente le plus possible. Également, du côté de l'AG de mon baccalauréat, même chose, je vais à chaque vote, je fais chacun d'entre eux et je m'implique dans tout ce qui est activité extrascolaire à l'extérieur de mon programme. Mm-hmm. Mm-hmm. Qu'est-ce qui distingue un excellent officier d'un officier correct? Ben, un excellent officier va être impartial. Il va aider chaque personne sans faire de différence entre eux. Il va être là pour n'importe qui. Il va pouvoir offrir son expérience. Il faut qu'il soit capable... Il faut qu'il soit capable de tenir son bout, surtout pour le poste de VP sociopolitique. Et dans le fond, c'est là qu'un excellent officier va être, tandis qu'un officier correct, lui, va faire ça une fois de temps en temps. Il va dire, bon, d'accord, toi, je peux te défendre, mais toi, non, peut-être pas. Par exemple, sur les sujets chauds, comme en ce moment, on parle beaucoup de l'austérité, mm-hmm. on parle également beaucoup de les manifs étudiants. Donc là, tu sais, il faut savoir prendre un point de ce côté-là, mais également défendre les points de vue de ceux qui sont pas nécessairement d'accord ou ceux qui sont d'accord. Ouais. Et dernière question pour terminer, quels sont les atouts nécessaires pour combler le poste sur lequel tu postules? Il faut être quelqu'un de direct, quelqu'un de sociable, il faut être quelqu'un qui ne mange pas ses mots, et il faut également pouvoir avoir une grande écoute, parce que je pense que c'est la qualité primordiale, la grande écoute, parce que je veux pas, on a tellement de gens à l'université, on a tellement de détenus à l'université, on a des étudiants étrangers à l'université, des étudiants français, des étudiants de plusieurs endroits au monde. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir la plus grande écoute possible lorsque tu fais ce poste. Parfait. Donc voilà pour les quatre questions qu'on avait à te poser. Merci beaucoup, Alexandre Deschâtelet, candidat à la vice-présidence au poste de sociopolitique. Bien, merci beaucoup. Je pense que c'est pas comme ça qu'on dit, c'est VP sociopolitique. Ça semblait ça. C'est ça. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Ensuite, deuxième candidat, en fait, c'est une candidate dans ce cas-ci qu'on reçoit pour ce même poste de VP sociopolitique, c'est Christine Nanga. Ça ressemble à ça à peu près? Oui, c'est mettons, ça. Si on... donc, j'ai les mêmes quatre questions pour toi, les mêmes que les autres candidats. Est-ce que tu es prête à répondre? Non. Ce blitz, non, c'est ça. Non. C'était la première question et tu échoues, non? Première question. Pourquoi as-tu décidé de te présenter aux élections de la GEQTR? Ben, j'ai décidé de me présenter aux élections de la GEQTR parce que j'aimerais ça démystifier l'aspect politique que nous autres, on a. On a souvent tendance à penser que la politique, c'est une affaire des autres ou bien la politique, c'est comme, c'est juste une version de la population. Mais non, en fait, la politique, ça nous concerne nous tous, beaucoup plus nous autres que nos aînés, parce que les décisions qui sont prises aujourd'hui, elles vont se refléter sur nos personnes, nos familles demain. Fait qu'en fait, en me présentant au poste de VP sociopolitique, c'est comme, c'est pour introduire mes collègues dans leur avenir de demain. Mmh. Ça, c'est ma conception. Rien que ça. Deuxième question, quelles sont tes expériences antérieures au niveau de l'application étudiante ou toute autre application pertinente? Je suis une grande bénévole. J'en ai fait tellement au sein de presque toutes les associations. Mon association est Studentine. Je suis également, comment dirais-je, très impliquée extrascolairement parlant. Et je pense que c'est tout au Québec. Maintenant, on peut chercher, on peut chercher une implication extra-Québec, mais je pense pas que les gens vont se retrouver. Oui, c'est ça. Donc, troisième question maintenant. Qu'est-ce qui distingue un excellent officier d'un officier correct? La patience. L'écoute. Avec toutes les tensions qui sévissent présentement, les gens sont assez divisés, il y a divergence d'opinion. Je pense qu'un excellent officier devrait avoir la patience de pouvoir gérer non seulement ses prises de parti, ses points de vue, qu'avec les points de vue des requêtes des autres étudiants. Fait que ça demande qu'il soit social et qu'il ait une écoute active et qu'il soit patient d'après. Ouais. Allez, pour terminer, quels sont les atouts nécessaires pour combler le poste sur lequel tu postules? Je pense que tu as encore un petit peu répondu à cette question-là, mais quand même. Les atouts nécessaires. On va repartir sur les mêmes points. Je dirais que ça demande une personne patiente, écoute et puis disponible pour les requêtes des étudiants. Voilà. Donc, c'est tout pour les quatre questions. Merci beaucoup, Christine Nanga, merci candidate au poste de VP sociopolitique. Bonne chance à toi. Merci. Et on reçoit un dernier candidat qui est Jimmy Corriveau, toujours sur le poste de VP sociopolitique. Bonjour à toi. Bon matin. Ça me fait plaisir de te recevoir. Donc, on a quatre questions encore à te poser. Pour commencer, pourquoi as-tu décidé de te présenter aux élections de la GEQTR? Présentement, il se passe beaucoup de choses dans le mouvement étudiant, puis je crois qu'avec mon expérience que j'ai de vie, puis les points de vue des gens que j'ai entendus sur le comité sociopolitique, je pourrais sûrement apporter des éléments importants pour ce qui se passe présentement. Mm-hmm. Deuxième question, quelles sont tes expériences antérieures au niveau de l'application étudiante ou toute autre implication pertinente? Au niveau secondaire, j'ai été sur le comité étudiant pendant 50 ans. Je me suis impliqué beaucoup dans le sport étudiant dans la région de Trois-Rivières, surtout pour les tournois et aussi le coaching. Puis depuis que j'étais à l'université, mais je me suis impliqué déjà dans le mouvement étudiant aussi. Qu'est-ce qui distingue un excellent officier d'un officier correct? Première chose que ça prend pour ce poste-là, je crois que c'est de la résilience, de la patience, de l'écoute, puis avoir une ouverture d'esprit globale sur ce qui se passe, vu qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers, puis ça permet d'avoir beaucoup de points de vue importants à écouter aussi. Et pour terminer, quels sont les atouts nécessaires pour combler le poste sur lequel tu postules? Avoir un gros caractère, puis pouvoir écouter ce que les gens disent, puis pour savoir être capable de garder son sang-froid dans les débats, d'échanger d'idées entre les étudiants, je pense que c'est vraiment important pour avoir les idées éclaircies, lorsque avoir des prises de décision. Wow, c'était en un temps record qu'on a fait ces quatre questions-là. Merci beaucoup, Jimmy Corriveau, candidat à la vice-présidence sociopolitique. Bonne chance à toi et bonne chance aux deux autres candidats aussi. On va recevoir tantôt les deux candidats à la présidence de la GEQTR, mais avant ça, on va entendre une pièce du palmarès anglophone de Dead Cab for Cutie. Voici Black Sun, qui est un anglophone FM. C'est fou. spend. There is beauty in a failure, and there are depths beyond compare. There is a role of a lifetime, and there's a song yet to be sung. And there's a dumpster in the driveway of all the plans that came undone. Something so thin be so cruel when this black sun revolved around you. How could something so fair be so cruel? Death Cab for Cutie et Black Sun sur l'album Kintsugi pour son numéro 19 du palmarès anglophone, une nouvelle entrée de cette semaine. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées, comme on aime le dire. On est toujours dans le bloc sur les émissions de la GQTR. On a deux personnes au poste de... Ouais, je vais arrêter de rire. On a deux personnes au poste de président ou présidente, donc la présidence qu'on appelle. Et on va commencer avec Jean-René Leblanc, qui est candidat à ce poste-là. Et on a quatre questions à te poser, comme à tout le monde. C'est les mêmes questions, même si t'es président, t'es pas meilleur que les autres. Arrête de dire ça. Non, c'est pas vrai du tout. Donc, la première question, c'est faux. Pourquoi as-tu décidé de te présenter aux élections de l'AGA-UQTR? Je crois que je peux amener mon expérience dans l'AGA-UQTR. Ça fait quand même longtemps que je m'implique ici. Et je connais beaucoup les dossiers, beaucoup d'événements, beaucoup le personnel de l'UQTR, à la limite. Ça fait longtemps que j'y côtoie. Donc, je pense que je peux apporter beaucoup comme président pour pouvoir aider aussi les autres... Les autres officiers qui sont élus ou vont être élus pour la sociopolitique, je crois que je peux apporter une expérience qui va être nécessaire cette année. Mmh. Ensuite, quelles sont tes expériences antérieures au niveau de l'implication étudiante ou toutes autres implications pertinentes? Ça remonte à loin. J'ai commencé à m'impliquer en 2005, à l'époque, à Édouard Mouvetti, dans mon cégep, où est-ce que j'étais sur mon conseil d'administration. J'ai aussi participé à mon CX en 2006 de Édouard Mouvetti. Par la suite, j'ai continué de me déplacer un peu partout au Québec. Je me suis impliqué dans l'Association d'anthropologie à l'Université Laval. Après ça, je suis venu ici. Là, je me suis impliqué à l'Association de psychologie. J'ai créé l'AMS par la suite en bas, ainsi que les cafés étudiants à l'aide de Gabriel Dubuc et plusieurs autres personnes, en fait. Là. Et c'est ça. Donc, j'ai une bonne expérience. C'est assez, je pense. Hein? qu'est-ce qui distingue un excellent officier d'un officier correct? Je vais parler pour la présidence. Pour les autres, peut-être que les signes vont être différents, mais je crois que pour la présidence, l'écoute est extrêmement important. On doit travailler avec beaucoup de personnes. On doit savoir exactement quels sont les besoins des gens, quels sont les critiques, les commentaires, et pouvoir tout mettre ça dans un même tas, si on veut. Excusez-moi, mes expressions sont pas super encore réveillées, disons-le comme ça. On pardonne pour ça. Merci. Donc c'est ça, je crois que écouter les gens, vraiment être proche d'eux en plus, essayer d'aller voir le plus de gens possible, c'est ce qui va faire les bonnes qualités d'un officier à la présidence. Mm-hmm. Pour terminer, quels sont les atouts nécessaires pour combler... Atouts? Parce que je viens de tousser. Quels sont les atouts nécessaires pour combler le poste sur lequel tu as appliqué? D'organisation, je crois que ça va être une très grande partie du travail de la présidence. Je crois aussi que des bonnes capacités sociales, on a besoin de s'exprimer souvent devant les caméras, devant des choses comme... devant des personnes officielles, etc. On travaille souvent en groupe, comme en fin de semaine, Mathieu Roy, qui est la présidence actuelle, était à Montréal pour parler de l'Association nationale avec toutes les autres associations du Québec, pratiquement. On était 19 autour de la table. Donc, c'est très important d'être capable de pouvoir parler avec ces gens-là et de bien représenter le désir des étudiants de l'UQTR, du mieux nos connaissances, du moins. Mm-hmm. Voilà, c'est tout pour les 4 questions. Merci Jean-René Leblanc, candidat à la présidence de la GUQTR. Et on reçoit la personne qui l'affronte au sommet, comme on a dit tantôt. Donc, c'est Alassania Kouyi à la présidence aussi. Donc, bonjour à toi. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Oui. Donc, les mêmes questions qu'à Jean-René, pour être juste avec tout le monde. Pour commencer, pourquoi as-tu décidé de te présenter aux élections de l'AGA UQTR? Eh bien, cette année, je me suis impliquée en tant que vice-présidente à la communication au campus. J'ai beaucoup aimé mon expérience, puis j'aimerais m'impliquer encore plus. J'ai eu la chance d'expérimenter deux systèmes d'éducation différents, un gratuit et un non gratuit. Donc, je crois que je pourrais apporter une nouvelle vision, une vision fraîche. Mm-hmm. Ensuite, quelles sont tes expériences antérieures au niveau de l'implication étudiante ou toutes autres implications pertinentes? Mon implication a commencé en 1999. Oh, là, je trahis mon âge. Mais... Ça ne paraît pas. Merci. En tout cas, ce n'était pas au Canada, c'était au Maroc. J'avais créé un petit club de rencontres et exposés au sein de mon lycée, alias ici, école secondaire. Puis ici, au Québec, j'étais impliquée dans mon cégep de Saint-Laurent à Montréal. J'étais la représentante du module des sciences. J'étais aussi journaliste au journal Pastiche au Saint-Laurent. Et ici, je suis vice-présidente à la communication au campus. J'ai été journaliste au journal Ajustement l'année dernière quand j'étais en chiropratique. Mm-hmm. Ah, OK. Ensuite, qu'est-ce qui distingue un excellent officier d'un officier correct? Ben, je vais me joindre à Jean-René, je vais répondre pour la présidence. Je dirais l'écoute, la communication et le leadership. L'université ici est vraiment très riche. Il y a des personnes de toutes les origines, des personnes de tous les coins du monde. Puis il va falloir jongler avec toutes ces différences, être à l'écoute, et puis c'est pas mal ça. Mmh. Ah, et pour terminer, quels sont les atouts nécessaires pour combler le poste sur lequel tu postules? Je sais que tout le monde vient de répondre à la question juste avant, mais c'est la question que je dois te poser. Moi, je dirais surtout du leadership et de savoir garder son tempérament et être impersonnel, parce qu'on est des êtres humains, on a tous nos propres visions des choses. Puis pour être président, il faut vraiment, il faut s'oublier. Il ne faut pas apporter sa propre vision, il faut écouter tout le monde, puis prendre des décisions réfléchies. Surtout ça, oui. Voilà. Prendre des décisions réfléchies. Parfait. Merci d'avoir répondu aux 4 questions. Donc, c'est Alassania Kouyi, candidate au poste de présidente. Merci à toi. Merci beaucoup et bonne chance. On revient à Lisanne Marseille, qui est sur le comité électoral de la GE UQTR, du directeur général des élections directeur général des élections de l'Assemblée générale des étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Oui, exactement. Donc, Lisanne, on a des dates encore une fois à rappeler, parce que maintenant, tout repose entre les mains. Est-ce qu'on peut se reposer entre les mains, je ne sais pas. Mais des étudiants de l'UQTR, parce que le vote va avoir lieu. Mais avant le vote, aujourd'hui, il y a un moment spécial dans l'après-midi. Oui, bien, à 16h, en fait, là, en fin d'après-midi, il y a le débat des candidats. On vous invite tous à venir. Puis, ce soir, à partir de 23h45, vous pouvez commencer à voter via votre portail étudiant, et ça jusqu'au jeudi 23h45. Voilà. Et ça, c'est un gros bouton voter ici, là, sur le portail. C'est pas trop dur à trouver. Non, c'est ça. Puis sinon, si vous êtes mêlés, vous pouvez aller voir sur l'événement. événement Facebook qui a été créé. Il y a des petites flèches rouges. Oui, exactement. Ça fait moins de dessin. Il devrait y avoir Yves Corbeil qui pointe. C'est Yves Corbeil? C'est ça, je pense que c'était ça. Donc, Lisanne Marseille du comité électoral des élections de la GEQTR, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi de nous avoir accueillis. C'était génial. Donc, allez voter, tout le monde. C'est dit, on a assez parlé, allez voter. C'est aujourd'hui que ça se passe, 23h45. Nous, on va prendre la pause de 8h30 et au retour, on va se faire du C'est un fait. Si tout fonctionne comme prévu, je garantirai. Donc, au retour à l'assemblage avec qui jusqu'à 9h30, c'est là. C'est fou. 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce lundi 20 avril 2015. Elle est Stéphanie Paradis. Oui, lui, c'est Mathieu Plante. Oui, hey, hey, ho, ha, ho. J'ai un moment de vide cérébral. Ça arrive au meilleur. Ainsi que nous autres. Semblait aussi. C'est ça. Dans quelques instants, on va faire cet effet, mais avant ça, on écoute une pièce de Lita sur le parleur francophone. Voici La Mélancolie nous sort du nez. Au 89 FM, c'est fou. Jamais je vais enlever ta face, la corde à la... dans mon salon. Je reste pogné avec l'hostie de rouge à lèvres. Pendant que le tank font un sourire de plomb, moi je reste heureux avec mon 104 de fièvre. Personne m'appelle par mon nom. On est tellement ben dans son fond de poubelle. La boîte sur le corps, ben des bonnes élections. C'est ça une mélancolie dans un gros show de poêle. C'est encore vrai que t'es en train de fondre. Le sang dans ta barbe pis ton rire forcé. Il est peut-être temps que ça se fasse tomber. Plutôt que de ramasser ton corps sur mon plancher. Ma corde à linge est pleine de visage. Ça coule sur mon gazon. Pourtant c'est juste une image. J'ai perdu pour prendre des vacances à la plage. Pour que le sel enlève. C'est impossible finir sa vie toute seule. Sauf sur une corde à linge après une plaque tailleule. On dit que t'es en train de fondre. Tu redescends vraiment du sein. Quand si tu fais partie de mon monde, jamais je vais enlever ta face. You push and you pull. Push Pull The Purity Ring à Assemblage Requis. On est lundi, et lundi, habituellement, on aime ça apprendre pour bien commencer la semaine, se mettre dans le bain un peu pour arriver à l'école après, tu sais, genre. Mm-hmm. Donc voici, c'est un fait. Wink. Wink, wink. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et aujourd'hui, on n'a pas Internet. En studio. Et ça, c'est une vérité véritable et vérifiable. Ouais. Donc, on va lire des faits un par un sur mon téléphone cellulaire de poche. On va voir ce que ça va donner. Une chance que... T'as la grosse version. Une chance que j'ai la grosse version pour que ce soit lisible. Pour donc, les gens, la caméra 3. Je vous montre ici, il fait 5 pouces et demi de diagonale. Donc, les suçons. Des suçons, en fait, sont distribués à l'extérieur de certaines boîtes de nuit pour réduire les gens qui sont, tu sais, pour les calmer un petit peu. Les gens qui sont un petit peu, tu sais, ont envie de s'abattre ou je sais pas trop quoi. Donc, c'est pour dire qu'ils ne seront pas capables de crier ou de créer des dérangements alors qu'ils vont sucer des suçons. De toute façon, hein, quelqu'un qui a un suçon dans les mains ou dans la bouche qui te menace... C'est pas super crédible. Pas tout à fait, t'sais. Donc, le président de l'AGE de l'Université de London, donc à Londres, hein, a aussi commencé à donner des suçons il y a un an pour calmer le bruit, le son que faisaient les étudiants qui quittaient le bar. Ça a tellement été un succès, l'Association Générale a dit que les plaintes avaient diminué énormément depuis qu'on avait commencé à donner des suçons. Mmh. On devrait s'inspirer de ça à l'AGE, UQTR. Je trouve ça super brillant. Des sucettes. Un vétéran de la marine américaine de 61 ans, Michael Boatwright. Oui, oui, Boatwright. Donc, il a été trouvé inconscient dans une chambre de motel. Quand il s'est réveillé, il ne parlait que le suédois à la place de sa langue habituelle, qui était l'anglais. Il insistait aussi qu'il était un suédois nommé Johan Eck. Et il a vomi quand il a vu sa propre réflexion, son reflet dans un miroir. Voilà. Il était dans un état de confusion. Ben là, c'est bizarre. C'est vraiment particulier, ça. La médecine et les trucs comme ça. T'arrives-tu, toi, des fois, de vomir quand tu vois ton reflet arrête le donc. Matin? Quand... Ah, t'es drôle. Non, depuis j'ai une barbe, ça va. Des jumeaux séparés à la naissance. Un élevé par une famille nazie catholique allemande et l'autre par une famille juive de Trinidad. Étant adultes, les deux flushaient la toilette juste avant et après être allés aux toilettes. Les deux aimaient éternuer dans des ascenseurs pour faire peur aux gens. Okay? Trempaient leur rôti avec du beurre dessus dans leur café et portaient des élastiques sur leurs poignets, les deux. C'est bien bizarre. Les deux faisaient la même affaire. Incroyable, hein? C'est comme ça. Ensuite, ce qu'on appelle le Earth Pyramid Project. Un projet qui prévoit ériger une pyramide dans un endroit qui n'a pas encore été décidé. Donc, il va y avoir des contributions de chaque gouvernement, des peuples indigènes et des contributions d'enfants de partout dans le monde. Dans des chambres à l'intérieur de la structure. Donc, il va y avoir des trucs faits par des enfants. La pyramide va être scellée pendant 1000 ans. Donc, le but est de créer un monument à chaque pays, à chaque nation, à une génération entière des enfants du monde. Donc, c'est comme un genre de capsule temporelle, si on veut, mais dans une grande bâtisse, une pyramide, la Earth Pyramid, qui va nous permettre d'apprendre sur tous les pays du monde du présent, mais dans le futur. C'est drôle, hein? Comment tu fais pour sceller ça pendant 1000 ans? Bonne question, j'imagine, je sais pas, avec des planches de 2x4. Non, je sais pas, j'ai aucune idée comment tu vas faire ça. J'imagine que ça va être que la pyramide va être construite avec un certain matériau, puis ensuite, à la place, il va y avoir une porte, puis après ça, quand ça va être terminé, on va juste continuer la construction de la bâtisse pour que ce soit uniforme partout, puis ça va être juste une pyramide fermée avec des murs de tous les côtés, non? Je sais pas, chose de beau, pas qu'il y ait l'air d'avoir une porte. Pour que dans 1000 ans, pour que ce soit exactement dans 1000 ans qu'on l'ouvre... On défonce. Oh, mais ils peuvent le faire avant. Qu'est-ce qu'il dit que dans 500 ans, ils vont pas faire « Hey, ah, c'est oui. quoi ça? » Puis mais ils vont ça, pas l'ouvrir. C'est la même chose qu'une capsule temporelle dans la Terre. Je veux dire, n'importe qui peut la creuser avant. C'est juste que le but, c'est de se retenir. Ah, oh, mais c'est parce que 1000 ans, c'est n'importe quoi. C'est un peu long, 1000 ans, je sais. Allez voir les informations sur l'article sur assemblagerequis.com parce que vous avez Internet. Ensuite, toujours dans cet fait, on y va avec un ensemble de... non, c'est là, on l'a déjà fait. Voilà. Je l'aurais vu à l'avance si j'avais eu mes fenêtres ouvertes. Ensuite, il existe, oui. Ah ben Colin, ça c'est un support musical, fait que non, on va la sauter. Tu vois comment ça va bien, tu peux faire jouer dans le micro? Tu penses? Veux-tu l'essayer? On essaye. OK. Qu'est-ce qu'on a à perdre rendu là? Absolument pas. Je veux dire, c'est la seule diffusion de cette chronique-là, clairement. Donc, voir que je vais rediffuser ça. Donc, il existe un loop de solo de batterie qu'on appelle le Amen Break, performé par Gregory Sylvester, ou encore GC pour son nom, GC Coleman, dans la chanson Amen Brother, performant dans les années 1960 par le groupe The Winstons. C'est considéré comme un des samples les plus utilisés dans l'histoire numérique. On peut l'entendre dans la chanson thème de Futurama, entre autres, c'est aussi à la base de tout un genre musical qu'on appelle le drum and bass. Donc le Amen Break, c'est une pause, en fait pas une pause, mais break, c'est comme un genre de pause, de 6 à 7 secondes. Donc d'un solo de batterie performé en 1969 par Gregory Sylvester Coleman, et puis ça a été utilisé dans plusieurs chansons de hip-hop, des chansons basées sur des samples. C'est devenu donc la base de la musique, comme je disais, drum and bass, et de la musique jungle music, un clip de 6 secondes qui a donc généré des cultures entières. C'est le sample le plus utilisé dans la musique électronique contemporaine, et on pourrait dire que c'est aussi le beat de drum, de batterie, le plus samplé de tous les temps. Donc on va écouter ça, voir dans mon micro, voir... C'est pas pire comme écoute, ça? Ouais. Je pense que oui. Donc, c'était le Amen Break. Vous pouvez aller l'écouter et entendre d'autres exemples de chansons qui utilisent cette chanson-là sur assemblagerequis.com. Je pense qu'il faut quand même que tu connaisses ça, oui, pour te rendre compte que c'est la attention. Même chose. Exactement. Ensuite, Apollo Robbins, c'est un artiste prestidigitateur américain qui a débuté ou démarré une conversation avec les agents des services secrets de Jimmy Carter à l'époque. En quelques minutes, il avait en sa possession l'itinéraire de l'ancien président, un badge, une montre et les clés de sa motorcade au président. Donc, il avait réussi à avoir tout ça parce que c'était un prestidigitateur, donc sleight of hand artist, qui est bon avec ses mains et ne pas se faire voir. Et aussi un petit... C'est un pickpocket, finalement. C'est un pickpocket, exactement. Et on peut voir un petit gif animé de lui en train de voler le portefeuille de quelqu'un sans qu'il s'en rende compte sur assemblagerequis.com. C'est quand même drôle. Donc, en 2001, Carter était à un souper. Et donc, Robbins a débuté une conversation avec plusieurs agents secrets, des services secrets. Et en quelques minutes, il avait réussi à voler les poches de tous ces gens-là. Wow. Donc, voilà, c'est à peu près ce qu'il y a d'important là-dedans. Ensuite, il y a 83 ans... on va commencer par le début. Donc, il y a une voûte secrète chez Lego qui a presque... En fait, non, pas presque chaque ensemble de Lego qui a jamais été produit. On appelle ça The Memory Lane. Donc, il y a vraiment des étalages, un peu comme dans un magasin de jouets. Et chaque édition de Lego, pas ouverte, j'imagine. En tout cas, ils n'ont pas l'air ouverte là-dessus. Sont dans cette Memory Lane-là. Donc, il y a 83 ans, un homme nommé Ollie Kirk a commencé à faire... à fabriquer des jouets de bois dans une petite boutique de Billund au Danemark. Certains jouets qu'il a produits il y a 83 ans sont toujours gardés dans cette voûte underground, sous la terre secrète, juste en dessous de l'endroit où Ollie a donc débuté ou démarré sa compagnie légendaire Lego. Voilà, chaque ensemble de Lego qui a jamais été fabriqué est disponible là. Cool! Pas disponible comme dans, vous pouvez partir avec. Quand même pas. Le créateur des Sims, Will Wright, a eu l'idée du jeu en reconstruisant sa vie après un feu. Ah, tu sais, il y en a qui vont faire un petit spectacle bénéfice pour avancer de l'argent après un feu. Ça arrive, mettons. Il y en a qui ont des idées comme partir de Sims. Donc, le designer de jeu Will Wright a été inspiré pour créer sa maison de poupée virtuelle après avoir perdu sa maison dans le gros feu de Oakland en 1991. Il a dû reconstruire sa vie après ça. Remplacer sa maison et toutes ses possessions l'a fait penser à adapter cette idée-là dans un jeu vidéo. Cool. On le remercie. Il est devenu riche. Ben oui. Will Wright, je sais pas si c'est le frère de Bolt Wright qu'on a entendu au début du... Ah, peut-être. On sait pas, ça. On ne sait pas. Ensuite de ça. C'est la machine de pinball. Pinball, comme dans les machines avec des palettes. Avec des pins. Donc, qui a été banni à New York. Parce que c'était un appareil qui permettait le gambling. Bon, ça y est. Ouais. Jusqu'en 1976, Roger Sharp a témoigné il a témoigné en jouant au pinball dans la salle de cours, bref, si on veut la place, en disant précisément ce qu'il allait pointer, ce qu'il allait faire comme mouvement avec sa balle, montrant que c'est un jeu d'habileté, non pas un jeu de chance, ce qui est tout à fait vrai parce que t'as le contrôle des palettes, si on veut. Ça arrive que ce soit de la chance. Oui. Mais majorité du temps, non. Quand tu joues normalement, comme n'importe quel moron jouerait au pinball, ça. Mais quelqu'un qui a du talent peut en effet devenir maître du pinball. T'sais. Donc, ça s'est terminé, donc le fait de bannir ces machines de pinball grâce à Roger Sharp, qui était le témoin vedette de l'AMOA, qui est l'Amusement and Music Operators Association. Il a témoigné en avril 1976 devant un comité d'une cour de Manhattan, disant que c'était un jeu d'habileté, non pas un jeu de hasard. Il a commencé à jouer à une de deux machines qui étaient installées dans la cour. Donc, il se comparait, bref, au coup de circuit de Babe Ruth dans les séries mondiales de 1932 en disant exactement ce qu'il allait faire comme mouvement. Et donc, il a réussi à le faire et ça a impressionné les membres du comité assez pour enlever la règle. C'est cool. Vraiment bien. Good job. Yes, sir. Yes, right. Yes, sir. You are correct, sir. You are correct. Voilà. J'ai ouvert le même deuxième fois pendant que j'étais en train de parler. Ah, ça, c'est malaisant. C'est un petit peu malaisant. En 1927, William... On fait avec les moyens de bord. Radio Brousse. En 1927, William Smith, un étudiant universitaire, a reçu deux formulaires pour s'enrôler à l'université Georgia Tech. Il a décidé de s'inventer un étudiant imaginaire avec un deuxième formulaire, donc, qu'il avait reçu. Pendant les années, l'étudiant imaginaire a reçu plusieurs diplômes. Donc, George P. Burdell est un étudiant fictif officiellement enrôlé à Georgia Tech en 1927 comme blague. George P. Burdell, qui a été créé par William Edgar Ed Smith. Smith avait conçu l'idée pour Burdell alors qu'il a reçu, c'est ça, comme on disait tantôt, deux formulaires d'enrôlement. Smith a inscrit Burdell pour les mêmes cours que lui. Smith faisait tous les devoirs deux fois. Exactement les mêmes devoirs deux fois. Il a changé un tout petit peu pour éviter justement que le professeur l'attrape dans son... sa blague. Hey, c'est quand même de l'ouvrage, là. Vraiment. Quand il y avait un test, il le prenait deux fois et ensuite le remettait avec les deux noms. En 1930, l'école a donné à Burdell un diplôme et quelques années plus tard, on donnait à l'étudiant fictif le même. Ils ont donné une maîtrise à l'autre. Donc lui, le premier a eu un baccalauréat, Burdell, et l'autre, l'étudiant fictif, a reçu une maîtrise. Oh, mais c'est n'importe quoi, il peut même pas s'en servir de sa maîtrise, non. C'est même pas son nom. C'est ça. Mais aujourd'hui, tu pourrais clairement pas faire ça. Tu sais, avec tout ce qui est examen ministériel, ça, c'est tout scellé, puis ça prend des pièces d'identité, puis tout ça. Ouais. Fait que ça marcherait pas. De peut-être façon, à cause de lui, on sait pas si ça a été changé à cause de... Non, sûrement pas. C'est la technologie qui avance. Ouais, c'est ça. Plus... De toute façon, c'est tellement inutile. Vraiment. C'est un diplôme, c'est inutile. Non, mais c'est parce qu'il est pas à ton nom. C'est un gars qui dure trop longtemps. Oui, c'est ça, c'est à longue échelle, à longue haleine. Il faut vouloir, là. Ah, c'est clair. Moi, je le félicite quand même. En 1997, deux compositeurs ont essayé de créer la chanson la plus fatigante du monde en mettant en vedette en partie un soprano robotisé qui rappelait sur de la musique de cowboy avec... c'est quoi l'instrument avec la grosse poche d'air, là? Une cornemuse. Voilà. Et du tuba. Pendant que les enfants chantent des chansons de Noël. Moi, je connais une chanson. Genre, et avec de la publicité pour Walmart dedans, je sais pas trop quoi. Donc, c'est la chanson la plus... The Most Unwanted Song, la chanson la moins désirée. On va essayer de l'entendre ici. The Most Unwanted Music. Il reste encore 20 minutes de la chanson, je pense qu'on peut l'arrêter là. Ouais, je serais curieuse de voir comment ça avance, là, quand, peut-être dans le milieu. On peut-tu aller voir dans le milieu? J'ai envie d'aller voir dans le milieu, moi aussi. Attention, on va s'essayer avec ça. Milieu, ici... Quand les enfants embarquent, c'est là que ça devient gossant. C'est, tu sais quoi qui serait plus gossant encore? Quoi? Un enfant qui se pratique à la flûte à bec. On sait qu'elle est ici. On avance plus loin encore? Ah oh ouais, on va aller voir. Ça a l'air très progressif comme pièce. Oh, ça c'est spécial. On dirait le bus magique, là. J'allais dire, on dirait l'intro de Fresh Prince of Bel-Air chanté par sa tante. On dirait encore plus loin, là. Il n'y a pas beaucoup de cohérence dans cette pièce. Pour vrai, la durée, c'est comme un genre de 23 minutes. Mais je sais pas, je trouve que Nyan Cat est plus gossant encore. C'est vrai. Moi, je regrette pas du tout de l'avoir entendu parce que je me sens un petit peu plus éduqué en musique. C'était Kumar et Mélamide et Dave Soldier qui présente The People's Choice Music, The Most Unwanted Song. Vous pouvez aller voir ça sur assemblagerequis.com. Ou sinon, on va diffuser la pièce complète ce soir à 1h20 du matin. Wow! Ensuite, est-ce que tu connais le Nitrogen Trill Died? Non. Hein. C'est une matière sensible et explosive, extrêmement explosive en fait. Lorsqu'elle est sèche, elle peut être détonée avec la plus petite des vibrations. On le voit sur un GIF sur assemblagerequis.com où on le touche avec une plume. Oh. Et ça explose complètement. Et l'autre, c'est juste... l'autre donne un coup de bâton à terre, c'est un peu moins impressionnant, mais avec la plume, ça l'est vraiment beaucoup. Allez voir la photo sur le site. Ensuite, allons-y avec la Weta, W-E-T-A. Qui a créé une queue de sirène complètement fonctionnelle pour une double amputée des jambes. Oh. Elle peut se nager. Donc l'équipe du Weta, évidemment dans l'article ici on me dit pas c'est quoi Weta, mais quand même ils ont complété un projet inhabituel qui était de créer une queue de sirène pour une femme de Auckland, Nadia Vessi, drôle pareil, qui est donc amputée des deux jambes. C'est une construction articulée unique de cette queue donc qui permet à Vessi de se propulser elle-même dans l'eau. Avec un mouvement facile à faire, comme si c'était une sirène. Chaque aspect de la queue a été modelé, personnalisé pour le corps de Vessi en utilisant un modèle 3D. Le corps de Vessi. C'est bizarre dire ça. Ouais. Et donc, de la technologie, un paquet de technologies, peu importe, le polycarbone, blablabla. Donc, c'est fait d'une couche de néoprène et de lycra extérieur, imprimé avec un pattern, un pochoir d'écailles de sirène. Comme une vraie sirène, toi. Malade. C'est une vraie sirène. Ensuite, il y a une prison à La Paz en Bolivie où les criminels, les prisonniers... en fait, c'est des criminels parce qu'ils ont été trouvés coupables, donc c'est des criminels. Mais quand même, on va les appeler les prisonniers. Ouais, on sait jamais. Non, c'est ça. Ça veut pas dire qu'ils l'ont fait nécessairement, mais si on a été trouvés coupables. Mais légalement, je pense que tu peux dire les coupables. Et non, t'as plus à dire présumés coupables. Prisonniers, si t'es sûr de pas te tromper, ils sont dans la prison. Exactement. Donc, bref, les prisonniers vivent avec leur famille entière. Ils ont des emplois, des enfants et leur propre loi de communauté. Les enfants peuvent courir librement comme dans une ville normale. Dans le fond, si vous allez voir les photos, vous allez voir que c'est un environnement fermé. C'est comme une communauté fermée de riches avec une clôture, ce genre. Mais sauf qu'à la place, c'est des blocs appartements qui font le tour au complet. On dirait des blocs appartements. C'est peinturé un genre de vert déplaisant. Et il y a des fenêtres, donc des cellules, j'imagine, derrière ça. Et dans le mail, si on veut, le milieu de tout ça, t'as vraiment les gens qui sont assis, qui peuvent jouer au foosball, genre au babyfoot, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment bizarre. Aucunement une prison et aucunement une punition pour les crimes que t'as fait, mais quand même. Ouais, mais c'est parce qu'on s'entend, admettons que y a des pédophiles, des violeurs, ouais. Toi t'es là avec tes enfants, puis ta femme. J'imagine qu'il y a des gardiens de sécurité, puis tout ça, ouais, mais quand même. Mais dans la vie en général, il y a quand même des policiers, tu sais, fait. Oui, il y en a peut-être plus au mètre carré, mais il arrive quand même n'importe quoi en prison. Je suis très d'accord avec toi, c'est trop normal, c'est comme normalisé. C'est bizarre. T'es mis en retrait de la société, mais rendu là... pas tant, tu sais. Il y en a qui sont mieux comme ça encadrés, puis qui ont une super de belle vie. Hein, fait que c'est un petit peu too much. C'est la prison de San Pedro, ou El Penal de San Pedro, hein, la prison de Saint Peter. Donc, la plus grande prison de La Paz Bolivie, renommée, oui, pour être une société en elle-même. Très différent de la plupart des prisons, les criminels donc, ont des emplois, peuvent acheter ou louer leurs accommodations et souvent vivre avec leur famille. La prison accueille environ 1500 prisonniers. C'est la plus grosse prison de La Paz, il y a juste 1500 prisonniers. Comme possible. Ça doit pas être une prison à haute sécurité. Sûrement pas. Pour vrai, ça doit être des fraudeurs puis des pickpockets. Ça me s'appuie, mauvais fraudeur. Ouais. Le 1er avril 1962, une télé suédoise, je me mélange tout le temps entre Swedish puis l'autre. Donc c'est une télé suédoise nationale qui a diffusé une émission spéciale de 5 minutes nous disant comment quelqu'un pouvait avoir une télé couleur en plaçant un bon nylon devant leur télé. Il y a des milliers de personnes qui ont apparemment essayé de créer une télé couleur avec un bon nylon. C'est un poisson. C'était un poisson d'avril. Allons-y avec une étude de 2013 qui nous révèle que les téléspectateurs commençaient à abandonner un flux vidéo, donc un stream, s'ils ne se chargeaient pas en dedans de 2 secondes. Et chaque délai d'une seconde additionnelle, ça augmente le taux d'abandon de 5,8% par seconde. Wow! Je suis vraiment patiente d'abord. Ouais, hein? Ah, moi aussi, j'attends tout le temps. Surtout quand c'est quelque chose que je veux voir. Là. Si c'est quelque chose qui m'importe pas, j'avoue que je vais abandonner assez vite. Non, c'est ça, mais si c'est la seule place où tu l'as trouvé, ouais. Je peux être très patiente. Mais ça. Différentes études nous apprennent que le café peut empêcher le cancer. D'autres études nous apprennent qu'il peut causer le cancer. D'autres nous apprennent que tu vas pouvoir vivre plus longtemps avec le café. D'autres nous apprennent que tu vas mourir plus jeune avec le café. Et d'autres études nous apprennent que ça va réduire ton risque de diabète. Bref, si t'aimes ça, bois-en, si t'aimes pas ça, bois-en pas. C'est à peu près ça. Fais-toi pas nécessairement aux études. Ça a toujours été le principe de la chose. Ensuite, Prince, qui a performé un cover de la chanson Creep de Radiohead à Coachella, mais qui a forcé YouTube d'enlever la vidéo que les fans avaient pris de cette performance-là. YouTube a remis les vidéos en ligne quand Radiohead eux-mêmes où le groupe lui-même a demandé à ce que YouTube remette ça sur le site disant « C'est notre chanson, on doit laisser les gens l'entendre. Ah. C'est pas Prince qui va décider des droits de notre chanson. » Ah, ça, c'est drôle. C'est vraiment ça. Fort. Mais pour vrai, là, puis je vais en parler de même, là, mais Prince, là, côté droit d'auteur, là, un peu marron. Là. Il a créé une chanson thème. Okay? Il y a une émission sur une chaîne câblée qui s'appelle MSNBC. Il y a une émission de nouvelles animée par Tamron Hall. Et super cool, l'émission est vraiment bonne. L'animatrice, elle anime très bien. Prince l'aimait, l'émission. Donc, il lui a composé une chanson thème. Là, okay. La fille, Tamron Hall, capotait. Wow, une chanson d'aime par Prince, c'est donc bien cool, ils l'ont utilisé. Elle avait le droit d'utiliser pendant 6 mois. Belle. Tu sais, tu crées une chanson d'aime pour quelqu'un, puis tu lui dis de l'arrêter après 6 mois. Même elle est allée au tout des shows, leur genre de salut bonjour, pour dire, hey, c'est cool, j'ai ma chanson d'aime. Elle a même réussi à faire une pin, genre, j'ai le droit d'utiliser ma chanson d'aime seulement pendant 6 mois, ma propre chanson d'aime. Quand même, là. Hey, c'est spécial. C'est Prince. C'est spécial. Monsieur change de nom aux 3 jours, là, tu sais, puis. Pas Jean Leloup. Aussi. Jean Leloup est clairement le prince québécois. Là. On va lui demander une chanson thème pour 3 semaines. Tellement pas. Voilà pour ce bloc de C'est un fait. Tiens, moi je donne à Prince. Ouais. Tiens, tu viens de trouver un CD qui traînait. Tiens, ben vous voilà. Non, c'est la bronze. Ah. Une médaille de bronze. Ouh. Pour tout le monde, pour l'ensemble de leur œuvre. T'es pas. Au moins argent. Ouais. Porte la couronne de ton royaume. J'aurais voulu être celle pour qui t'as inventé des mots. J'aurais voulu être celle à qui le cœur plein d'eau, tu dis je t'aime trop. Oh, que tu te shootes dans les veines, qui te fait rougir quand elle te dit des choses, celle qui porte le nom que tu donnes à ton chat. J'aurais voulu être celle qui peut prendre ta main sans permission, celle avec qui, dans la pluie, tu es heureux. Explose-moi de la bronze à Assemblage Requis. Au retour, plus de sites faits sur C'est fou, dans vos oreilles. Fou de passion. C'est fou, 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes à Assemblage Requis en ce lundi 20 avril 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Alors, quelques instants, on va continuer cet effet. Mais avant ça, du Milk and Bone. Quoi de meilleur que du lait puis des os? Hein? Rien. Voici... Rien? Ben, je dirais que j'aime pas le lait. J'aime encore moins l'eau de noix de coco. Donc, voici Coconut Water. Mais la chanson est bonne, par exemple. Au moins. C'est déjà ça. Chose à la fois. Et que t'es rabat-joué. Moi, je sais. Fin. ça. Deux fois. Deux fois, oui, pris par surprise en flagrant délit. Ouh, hey, c'était donc bien chill wax, cette tune-là. Hey, c'était yo, hein? C'était yo, bro, vraiment. Alors, on vient d'entendre la pièce Coconut Water sur le palmarès anglophone. Et avant, c'était la pièce qui ouvre l'album, Elephant, donc sur Little Morning. Et ce que j'aime de cet album-là, c'est que c'est un jeu de mots. Pas que j'aime pas l'album aussi, mais en tant que tel, ce que j'aime le plus, c'est le fait que c'est un jeu de mots. Parce que c'est Little Morning, comme morning quand tu pleures la mort de quelqu'un. Mais ça fait aussi matin, tu sais. Mm-hmm. C'est comme un drôle de d'adon, tu sais, comme. Bref. C'est drôle que tu dis ça, mais j'ai appris ce mot-là cette semaine. Arrête-moi non ça. Parce que c'est le un style de combat de Kitana dans le Mortal Kombat 10. 10, mais ça. Hey, as-tu vu, parlant de Mortal Kombat 10, you know, c'est bizarre, mais tu peux acheter des fatalities. T'as-tu vu ça? Tu peux payer 5$, je ne me rappelle pas du nombre, mais je pense que c'est comme pour 1$, t'as comme 5 fatalities faciles. Pour 5$, t'as 30 fatalities faciles. C'est qu'à la place de faire des fatalities. Non, mais c'est pas des vrais fatalities. C'est, en fait, c'est des jetons pour avoir un easy fatality. Dans le fond, t'as pas besoin d'apprendre une séquence. C'est ça. Tu peux juste appuyer sur un ou deux boutons. Ça te donne suite le fatality. Ouais, fatality, c'est l'affaire où t'enlèves la colonne vertébrale de quelqu'un, tu sais. Ça? Ben genre, non. C'est pas ça? Non, Fatality, c'est vraiment à la fin, là, quand tu l'achèves, là, le finisher. Ah, OK. Là, faut pas que tu te mélanges avec les X-Ray. Non, c'est ça. ce serait malaisant. Et t'as les Brutality aussi. Oui. Ça, c'est faut que tu sois un féru très, très intense. Connaisseur, oui. De Mortal Kombat. Parce que ça, c'est lorsque tu appliques ton dernier coup qui va achever ton adversaire, tu dois enchaîner immédiatement cette série de pitons-là pour terminer avec un Brutality à la place du Fatality. Mais c'est parce que ça, il faut que déjà que tu le saches hein, par cœur, puis que tu saches vraiment quand est-ce que tu vas l'achever. Ou tu peux jouer comme la plupart des gens, puis juste faire n'importe quoi, puis espérer que ça donne quelque chose de bon. Hein? Mais ça, tu peux pas faire ça pour un Fatality. Ça, tu pourrais tomber dessus, non? Non. C'est trop précis pour tomber dessus. C'est beaucoup trop précis, parce que même quand tu le regardes, des fois, il faut que tu sois exactement à la bonne distance du personnage de ton adversaire. Des fois, il faut que tu sois très proche, une distance médiane ou très loin. Ah, wow! Donc, Médiane de la vallée, ouais. Exactement, exactement. Ouais. Elle a les joues fendues, là, puis elle... ouais. Bref, cool. C'était le bloc, il était deux fois. qu'on fait à date une fois par année parce que on a tout le temps des chroniqueurs. On n'a jamais de trous. Et aujourd'hui, la raison, c'est qu'on n'a pas Internet. Fait qu'on remplit avec du LED deux fois. C'est fort, hein? Mais en fait, on va se l'avouer, c'est surtout parce que t'as pas mis la bonne pièce au début. Ouais, aussi, mais je trouvais que ça fitait mieux de mettre ça sur le dos du fait qu'on avait pas Internet. Mais en fait, je trouve ça merveilleux parce que j'adore cet album-là. Oui. Je l'avais déjà écouté, en fait, je l'avais exploré pour un éventuel poste d'écoute. Je trouvais ça trop doux. Ouais. Pour le présenter. Et c'est vraiment juste parce qu'il y avait autre chose à donner comme ça. Mais c'est quelque chose que j'ai adoré... adoré écouter. Donc, je connaissais déjà l'autre pièce et j'étais enchantée de l'entendre à nouveau. Milk and Bone. Voilà. C'est plein de calcium, cet album-là. Oui, c'est ça. Ça va vous faire grandir un peu. Vous allez peut-être même développer un certain talent de chanteur parce qu'on retourne à C'est un fait, puis on va rechanter. Je sais pas ce qu'on a du temps rempli. Ah, t'as Des choses que je sais pas. C'est un fait. Des choses que je sais pas. C'est comme les paroles de cette chanson. Wow! Non, mais c'est freestyle, c'est la deuxième. Ben c'est ça. Puis en plus, tu sais, comme on n'a pas Internet, on peut pas aller chercher les paroles. Non, sur lyrics.com. D'habitude, on suit les paroles. Là, ben qu'on nous donne. C'est ça, ton. Nous ne sommes que des marionnettes. On voulait pas gâcher ça, mais c'est ça. On connaît pas la pièce à Tom Barker. Donc, comme je disais, c'est ça, c'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables, ou Véridac, comme on l'appelle. Et comme on n'a pas Internet, je fais ça sur mon iPhone. Fait que c'est juste pour être transparent, pour que vous sachiez qu'il y a une petite attente des fois. T'sais. Donc, une famille a perdu son chien pendant l'ouragan Sandy. OK, parce que juste une famille a perdu son chien, c'était assez générique. C'est un fait! Ils ont cherché leur chien pendant 1,5 années. Un an et demi, qu'on pourrait dire même. Ils ont abandonné l'espoir. Ensuite, ils ont décidé d'adopter un autre chien. Le conseiller de la maison d'adoption, la place où on adoptait les chiens, a amené leur premier candidat. Qui était... Leur chien! Lucas, dont le vrai nom est Reckless, a été trouvé à Monmouth County, au New Jersey. Charles et Alicia James étaient étonnés donc lorsqu'ils sont arrivés au Monmouth County SPCA et qu'ils ont vu leur chien adoré. Ben voyons donc! C'est vraiment bizarre comme adon. Mais ils n'ont pas pensé à aller voir avant au refuge. Voir si leur chien était là. Ah, oh, c'est genre avant un an et demi, deux ans, en tout juste au même. Je me demande. Mais c'est une belle surprise. Une belle surprise. En effet. Ensuite, savais-tu qu'il y a environ. Vive les furteurs Internet qui se rechargent tout le temps sur le téléphone, c'est ça? Ouais, hein, c'est vrai. Fait que tu te rappelles plus où t'étais rendu. Mais bon. Donc, il y a plus de musées. OK. Là, celui-là, j'avais de la misère à le croire au départ quand j'ai lu le fait pour la première fois, mais il y a une explication qui va venir juste après. Il y a plus de musées aux États-Unis qu'il y a de Starbucks et de McDonald's mis ensemble. Hein? Tu es surprise, toi aussi, hein? What? Il y a environ 11 000 cafés Starbucks aux États-Unis et environ 14 000 restaurants McDonald's. Mais combinés ensemble, ces deux chaînes-là ne s'approchent même pas du nombre de musées aux États-Unis qui est présentement à un incroyable 35 000 musées aux États-Unis. C'est ce que dit le plus récent sondage de l'Institute of Museum and Library Services, une agence du gouvernement indépendante, donc agence indépendante du gouvernement, qui calcule donc le nombre et le type de musées aux États-Unis. Selon leur compte, 35 000 musées actifs représentent donc le double du nombre de musées qui est estimé dans les années 1990. La plupart des gens vont penser aux institutions massives comme le Smithsonian ou encore le Guggenheim lorsqu'on parle de musées, mais une leçon qu'on peut tirer de ces nouvelles données-là, c'est que la majorité des musées américains sont tout petits, des petites affaires gérées par M. Instagram, tout le monde. Ça peut être une maison historique et c'est considéré comme un musée parce que les gens peuvent venir visiter. Quand même, c'est beaucoup. 35 000 comparé à 11 000 Starbucks et 14 000 McDonald's. Tant mieux. Ensuite de ça, Sir Ian McKellen, qui a pleuré lorsqu'il filmait le film The Hobbit, parce qu'il était obligé de filmer sur un écran vert à la place de filmer avec d'autres acteurs. Il a dit « C'est pas pour ça que je suis devenu acteur. » Oh. Hein? Donc, Sir Ian McKellen dit qu'il a pleuré de frustration lorsqu'il filmait ses scènes dans The Hobbit devant un écran vert. L'acteur qui joue Gandalf depuis le premier film Lord of the Rings s'est donc fâché après avoir été obligé de performer des scènes avec seulement des photos de d'autres membres de la distribution, donc pour filmer les nains et le grand Gandalf. Il ne pouvait pas être sur le même plateau. Donc tout ce qu'il avait comme compagnie, c'était 13 photographies des acteurs qui jouent les nains. C'est ça. C'est à peu près. J'avoue que c'est pas... C'est vraiment nul qu'on puisse pas trouver quelque chose de mieux. Ensuite, le créateur de Magic the Gathering, M. Richard Garfield, a demandé à sa femme de le marier, donc sa femme Lily, avec une carte Magic faite maison personnalisée. Oh! Ouais. Donc, Qu'est-ce que t'en as souhait? Oui, maison. Geek à souhait. Et les deux. Donc, une carte de donc, demande en mariage de sorcellerie, et je cite... permet à Richard de demander en mariage Lily. Si la demande est acceptée, les deux joueurs gagnent. Mélanger les cartes en jeu, les deux bibliothèques, j'ai aucune idée ce que ça veut dire, et les deux cimetières en tant que paquet partagé. Donc c'est un peu genre à la vie à la mort, si on veut. Écoute, tu parles de demande en mariage particulière. Ouais. J'en ai vu une très récemment. Je pense à ça parce que ça donne que c'est quelque chose que j'ai quand même trouvé très original. Je sais pas. Le monde des couches lavables, okay? Ouais, okay. C'est vraiment rendu une, je dirais à la limite, une mode. Ouais. Et il y a vraiment des gens très, très, très profondément accros à ça. Donc, c'est une addiction comme une autre. Mon étrange dépendance. Ouais, c'est un peu ça. Pour vrai, normalement, c'est supposé être économique, mais ce n'est pas pour tout le monde. Si t'en achètes 1000, tu sais, c'est pas mieux. C'est ça. Donc, il y a un chum, dans le fond, qui a fait faire une couche lavable spécialement pour sa blonde. Et ça pour sa blonde, comme sa blonde va porter la couche? Ridicule. Non. C'est ridicule. Et dessus, c'était écrit « Veux-tu m'épouser? » Ouais. Avec un beau petit dessin et tout ça. Donc, quand elle a ouvert son fluff mail, qu'on appelle dans le monde de la couche lavable, elle a ouvert la couche et elle avait sa demande en mariage sur la couche. Donc, c'était vraiment, vraiment cool. Il l'a pas écrit avec une trace brune, quelque chose, là. Il peut aller jusque-là. Mais non, c'est full beau. C'est tout brodé. Ouais. Là, tu choisis tes couleurs, tes motifs, avec une belle broderie. Mais c'est ça, tu la donneras jamais à ton enfant, celle-là, par exemple. Non. Non, pas tellement. Mais c'est cute, j'avoue que c'est cute. Et pour en revenir à l'histoire de notre ami tantôt, plus tard, il s'est marié avec elle, Lily. Il a eu deux enfants avec elle. Il a aussi fait une carte pour chacun des événements. Vous pouvez les voir sur assemblagerequis.com, les événements comme dans la naissance de ses deux enfants. Ouais, mais là, à un moment donné, décroche, là. Ouais, ça va faire, là, ça va faire. Là, on comprend ta gamique, là, Camtena. Premier caca! Premier pas! Premier spaghette! Tu sais, ça en fait de la carte, là. Ouais. Le jour du poisson d'avril en 1974, un homme a amené 70 pneus dans le cratère d'un volcan dormant en Alaska et les a mis en feu pour terrifier les résidents du coin pour qu'ils pensent que le volcan était en éruption de nouveau. Voyons donc. Hein. C'est à la fois terriblement chien, mais à la fois tellement ingénieux. C'est ça, exact. Donc la fausse éruption du mont Edgecombe, voilà, était donc l'œuvre d'un blagueur local, Oliver Porky Bicar, de 50 ans. L'idée d'allumer le volcan lui était entrée dans la tête en 1971. Aussitôt qu'il a pensé à l'idée, il savait qu'il devait le faire. Donc il a ramassé 70 vieux pneus qu'il garde dans un hangar pour avion. Il a dû attendre 3 ans jusqu'au poisson d'avril 1974 jusqu'à ce que les conditions de la visibilité soient juste correctes pour sa blague. Hey, ça c'est des gens persévérants là. Fort. Wow. Il y a plein d'autres détails sur assemblagerequis.com, mais je vous en ai pas. Je sais pas si c'est légal. Puis... Toi, il aurait peut-être pu aller en prison. Peut-être. Je sais pas, j'ai aucune idée. Est-ce que j'ai envie de le faire sur l'air un petit peu long, celui-là? Je me demande si je vais m'embarquer dans cette histoire-là. Selon une nouvelle étude, apparemment, chercher sur Internet pour des informations donne aux gens une vue imprécise de leur propre intelligence. Une nouvelle étude psychologique de Yale University nous apprend que les gens qui ont accès à un moteur de recherche en ligne lorsqu'ils cherchent sur un sujet ont beaucoup trop confiance de leur connaissance du monde comparé aux gens qui utilisent des outils qui ne sont pas numériques. L'expérience a testé plus de 1000 étudiants, 9 exercices séparément. Dans chaque exercice, les chercheurs comparaient l'intelligence perçue par soi-même des gens qui utilisaient l'Internet pour rechercher sur un sujet avec l'intelligence perçue par eux-mêmes des gens qui utilisaient des méthodes analogues. Donc les résultats nous apprennent que chercher pour une explication sur Internet faisait que les gens pensaient qu'ils étaient plus intelligents qu'ils étaient vraiment. Tu comprends? Ben, c'est bizarre. C'est bizarre. Hein? Ouais. Eh ben. Ouais, c'était cool. Comme article quand même. C'est rapide. Ensuite, il y a des montagnes dans la plupart des villes majeures d'Allemagne qui sont faites entièrement de débris de la Deuxième Guerre mondiale. Des montagnes qui sont maintenant couvertes d'arbres et de gazon et on serait pas capable de différencier avec une vraie montagne. Allez voir la photo sur assemblagerequis.com, on dirait une vraie montagne. Fascinant. Vraiment cool. Schuttberg. Qui est un terme en allemand pour une montagne faite de déchets. Donc une cour à scrap version montagneuse. Montagneuse, en tout cas. Donc, plusieurs dégâts, déchets ont été ramassés là. Se sont ramassés là après avoir débarrassé le monde des déchets de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a fait des montagnes avec ça. On appelle ça... Non, c'est compliqué, ce Trümmerberg. C'est quoi la différence avec Trümmerberg et Schuttberg? La prononciation? Je sais pas. Bref, il y a une liste des montagnes différentes sur assemblagerequis.com aussi. Ouf! Ensuite de ça, l'université Yale... on a parlé de Yale tantôt avec l'étude sur l'intelligence et les engins de recherche. Yale University est nommée en l'honneur de Eliu Yale, qui est le philanthrope le plus surévalué de l'histoire, nous dit-on. Surévalué? Oui, surévalué. À la place du philanthrope principal, Jeremiah Dumer, parce que Dumer College aurait été un mauvais nom, selon eux. Dumer, comme dans Plus imbécile. Effectivement. Donc, ils l'ont nommé en l'honneur de Yale, qui est un peu surévalué. Intéressant. Pour protéger les peuples futurs des déchets radioactifs, deux philosophes ont proposé de modifier génétiquement des chats pour changer de couleur lorsqu'ils sont exposés à la radiation. Genre pour sauver les chats. Les chats changeaient de couleur, genre, auraient changé de couleur. Et ensuite, ils ont créé des chansons folkloriques au sujet de ces chats-là. Mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Construisez n'importe quelle machine qui va détecter la radiation puis laissez faire les chats. Je trouve ça absolument détestable, mais en même temps tellement cocasse. Comment tu peux en venir à cette conclusion-là? La police américaine, en général. Donc, la police américaine a tué plus de gens en mars 2015, on parle de 111 personnes, que la police au Royaume-Uni au complet depuis 1900. Ouf. C'est pas nécessairement un record que tu veux battre. Non. Dans le mois de mars. Non, c'est malaise. On vient au 1er avril. Il y a beaucoup de choses du 1er avril aujourd'hui, apparemment. Ça a été célébré à l'origine. C'était le jour de l'an. Jusqu'en 1582, où le pape Grégory XIII a demandé à ce qu'un nouveau calendrier remplace l'ancien. Tu sais, le calendrier grégorien, ça vient probablement de là, tu vois. Donc, ceux qui continuaient de célébrer le nouvel an le 1er avril, donc les rebelles ou les ignorants du nouveau changement de calendrier, étaient donc des fous d'avril. April Fools. Cool! C'est cool! Un peu en retard pour le film. C'est devenu poisson. Ah! En français. Des fous, des poissons. T'es dans mes poissons? Je sais pas, il y a sûrement une affaire dans la Bible là-dedans. Ouais. Sûrement une affaire de Bible. Si on avait une chronique, c'est la plus simple expression, mettons, on pourrait savoir là-dessus. Un jour, peut-être. Peut-être un jour. Tu pourrais nous chercher ça. Ou pas. On reste le poisson d'avril. En 2002, deux DJ à la radio ont suggéré à ce que l'eau du Kansas soit contaminé. Ils ont suggéré qu'elle était contaminée, cette eau-là, par du monoxyde dihydrogen monoxide. OK? Ça, c'est du H2O. OK? Annonçant que ça causait la sueur et une peau ratatinée. Ça a mené à 30 appels au 911. Les gens qui s'occupent de l'eau ont comparé ça à un acte terroriste et deux DJ ont été suspendus indéfiniment. Mais tu sais, du H2O, c'est de l'eau en tant que telle. Vous avez compris, peut-être? Mais c'est quand même vraiment très, très drôle. The hydrogen monoxide dans de l'eau. Il y a du hydrogen monoxide! En tout cas, je la trouve bien drôle. Oh mon Dieu, mais c'est profondément drôle. C'est vraiment mon genre de gars. Parce que les gens qui se font avoir, c'est des gens qui n'ont pas pris le temps de réfléchir et qui n'ont aucune connaissance générale. Exactement. C'est fascinant. Fascinant. Une infirmière tchécoslovaque, a reçu des honneurs après avoir dormi avec des soldats nazis pour leur donner des maladies, des infections transmissibles sexuellement et les tuer. Elle a reçu des honneurs. Poisson d'avril! J'ai envie de continuer indéfiniment parce que finalement, ça va quand même bien sur l'iPhone. Ça va mieux sur l'ordi du studio. Sur mon iPhone, ça va beaucoup mieux. Les chercheurs de l'université Texas State University qui étudiaient le pirate du 17e siècle, Capitaine Morgan. Vous connaissez peut-être Capitaine Morgan. C'est du rhum. C'est ça. Donc, ils ont manqué de fond en essayant de retrouver des artefacts de son bateau coulé sur la côte du Panama. Nul autre que la compagnie de rhum, Captain Morgan, leur a donné plus d'argent pour qu'ils puissent continuer à travailler, à enquêter sur le Capitaine Morgan, le vrai, donner de l'argent. C'est cool, hein? Ben, mais ça. Vraiment bien. Donc, voilà, c'est tout pour cet fait pour aujourd'hui. C'est un succès. Mis sur du rhum, moi, je trouve ça très cool. C'est inapproprié. C'est complètement approprié, excuse-moi, c'est ce que je veux dire. voilà, donc, les liens sont sur assemblagerequis.com. Nous, c'est malheureusement la fin d'Assemblage Requis pour aujourd'hui. Déjà? Ça a passé tellement vite. On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30. Et regardez-moi ça, qu'Internet vient de revenir par miracle sur l'ordinateur. Ah, oh ben, Calvin. À 9h30 juste. L'émission se termine et l'Internet revient. Ben oui, regardons ça. Donc, je peux aller vous dire que plus tard aujourd'hui, à 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, à 13h, l'émission de Voyage Escala. Ensuite, à 17h, Radar Jeunesse. 18h, Palmarès du Monde, en rappel. À 19h, le Voyage Insolite. Et à 20h, Rock de Neurones. Restez à l'écoute pour tout ça. Cif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission. Les balado-diffusions. On remercie Olivier Lessard. Oui. Lisa de Marseille et les gens de la GEQTR pour les élections. On vous rappelle de voter sur le portail de l'UQTR d'ici à partir de ce soir à 23h45. Et on n'oublie pas le débat ce soir à 16h, si je ne m'abuse. C'était la chasse-galerie, en effet, à 16h. Voilà. On se quitte avec une chanson de Athéna pour un tour dans les draps. Puis on se retrouve demain à 6h30. Bonne journée, Steph. Bonne journée à vous. Puis moi là-dedans. Ben, vous voyez. Tu m'inclus là-dedans. Même si je te retrouve à bas du pont.